بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتكلم عن هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي سورة الفاتحة، التي نحاول أن نذكر شيئا قليلا من معاني آياتها الكريمة. ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وتبين لنا نوع الدعاء ونوع الهداية، والمقصود من الهداية في هذه الآية. وقلنا اهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا ووفقنا، فقد اجتمع في هذه الآية نوع الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. وهذا مطلب، أعني سؤال الله تبارك وتعالى الهداية، مطلب نبيل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: نظرت في أدعياء الكتاب والسنة فوجدت أن أنفعها سؤال الله الهداية، ثم وجدت ذلك في فاتحة الكتاب. وقد تقدم من كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن ينبه عامة المسلمين على أنهم عند قراءتهم لفاتحة الكتاب فإنهم يدعون الله تبارك وتعالى، وقد تقدم وجه ذلك قريبا. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الله تبارك وتعالى بينه في الآية التي تأتي بعد هذه الآية، في قوله جل جلاله: صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم المنعم عليهم؟ قد ذكرهم الله تبارك وتعالى في آية أخرى من سورة أخرى، وهذا مما يؤكد لنا أن سائر القرآن يفصل ما جاء في فاتحة الكتاب مجملا. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعم الله عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. وها هنا وقفة أراها مناسبة توقفنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين لنا كيف كانت العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بقراءة سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة النساء. لقد أخرج الطبراني في الصغير بسنده عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآية. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني في الصغير، وأورده الإمام أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواذعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، فهذا يتضمن تصحيحه رحمه الله تعالى. فانظروا إلى هذا الموقف العظيم، إلى مدى محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حتى إنه كان يفكر في هذا الأمر وكان يحزن ويقول: فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية، فتبين نعم أن من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه بشرى لمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكفي مجرد المحبة، فلا بد من العمل كذلك. لا يكفي ادعاء محبة الله تبارك وتعالى بدون عمل، ولا يكفي مجرد ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم من غير اتباع لسنته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اتباع السنة لينال العبد ما يريده من هذا الفضل العظيم، حتى يكون مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا واضح من هذه الآية، وتجد في مطلعها ماذا؟ ومن يطع الله والرسول، ليس فقط الذي يدعي المحبة ولا يعمل شيئا قط وعمله فقط رموز يحتفل بشيء في ليلة واحدة من السنة وهو بعيد كل البعد في سائر الأيام، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقرأ اهدنا الصراط المستقيم، وقد تبين لنا الآن ما هو الصراط المستقيم. قال العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى في كتابه القيم سبيل الرشاد، قال: هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما بالنسبة لهذه الأمة فهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. والصراط المستقيم بالنسبة لهذه الأمة هو الصراط الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف حديث ابن مسعود، وهو حديث الخط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وعن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله، مشيرا إلى الخط المستقيم الطويل. وعلى جنبي الطريق السبل. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الخط هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الخط هو السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه صلى الله عليه وسلم أوضح بيان. فتريد الصراط المستقيم فاعلم أنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وأما بالنسبة لهذه الأمة فهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. وفي هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم، إثبات صفة الإنعام لله تبارك وتعالى. فهذه صفة أخرى نتعرف عليها من خلال قراءتنا لسورة الفاتحة. فمر معنا ماذا؟ صفة الألوهية، وصفة الربوبية، وصفة الرحمة، نعم، وصفة الملك، نعم، وكذلك الهداية، نعم، والإعانة. كل هذا من صفات الله تبارك وتعالى. والآن كذلك صفة الإنعام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذه الآية، وهذا استنباط عجيب من عالم جليل العلامة محمد بن الأمين، ولا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، يقول وهو يفسر سورة الفاتحة، يقول: تنبيهان. الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه داخل فيمن أمرنا الله في سبع المثاني والقرآن العظيم، أعني الفاتحة، بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم. فلم يبقى لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. فهذا فيه رد على الروافض الذين ينكرون خلافة أبي بكر الصديق، بل الذين يشتمون أبا بكر رضي الله عنه. وقد بالغ بعضهم فكفروه عليهم من الله ما يستحقون. وفي هذه الآية كما تقدم ذكر شرط آخر من شرطي قبول العمل. الشرط الأول تقدم أنه الإخلاص لله تبارك وتعالى، وتقدم معنى ذلك. والشرط الثاني المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود وواضح من قراءة هذه الآية. وفي هذه الآية كذلك رد على جميع أهل البدع، وذلك على وجه الإجمال، وذلك على وجه الإجمال. En avant de continuer ici à aborder le cinquième verset de cette sourate, اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous sur le droit chemin. Et on a expliqué les deux types d'invocation. On a également expliqué les deux types de guider. On a expliqué également le sens de la guider ici dans ce verset. Et on a dit que ça englobait les deux types de guider, la guider d'orientation et la guider également d'assistance afin de suivre et d'emprunter le droit chemin. Et il nous restait donc à aborder une parole importante d'Ibn Taymiyyah rahimahullah lorsqu'il a dit: j'ai considéré et analysé l'ensemble des invocations présentes dans le Coran et la Sunna, et je me suis rendu compte que la plus éminente d'entre elles, c'était le fait de demander à Allah la guider. Et j'ai trouvé cette requête là dans la sourate d'Al-Fatiha. Dans ce verset nous trouvons donc la parole d'Allah: ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Quel est ce droit chemin? Le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éclairci dans le verset suivant, le sixième verset, et ce dans sa parole: sirata alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Donc ici, il nous a montré qui sont ceux qui suivent ce chemin. Ce sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Une autre question se pose: qui sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits? Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci cela dans un autre verset d'une autre sourate, dans sourate An-Nisa. Et ce lorsqu'il a dit: et quiconque obéit à Allah et au messager, alors ceux-là seront avec les prophètes, les grands véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie que la leur. Donc ici, nous comprenons de manière claire que le droit chemin, c'est le chemin des prophètes, c'est le chemin des grands véridiques, c'est le chemin des martyrs et c'est le chemin des pieux. Et quelle bonne compagnie que la leur. Et ici, donc, on s'était quelque peu arrêté avec un hadith qui nous montre comment considérer les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment ils considéraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dans ce qu'a rapporté l'imam al-Tabarani dans Al-Mu'jam al-Saghir. Et ce hadith, il montre la cause de la révélation du verset que nous venons d'entendre, à savoir وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, jusqu'à la fin du verset, et quiconque obéit à Allah et au messager, alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits, parmi lesquels les prophètes, les grands véridiques, et ainsi de suite. Donc, l'imam al-Tabarani, dans Al-Mu'jam al-Saghir, il a rapporté avec sa propre chaîne de transmission jusqu'à Al-Aswad, d'après Aïcha, que cette dernière, radiyallahu anha, a dit: un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: ô messager d'Allah, tu es plus aimé de ma personne que moi-même. Et tu m'es plus aimé que ma propre famille et que mes biens. Et tu m'es plus aimé que mes propres enfants. Et il arrive que je me retrouve chez moi et que je me rappelle de toi. Et je ne patiente alors pas jusqu'à ce que je vienne devant toi et que je te regarde. Et lorsque je me rappelle le fait qu'un jour tu vas mourir et que je vais également mourir, je me rends compte que lorsque tu vas rentrer au paradis, tu vas être élevé avec les autres prophètes. Alors que moi, si je rentre au paradis, je crains de ne plus te voir. Regarde ici, subhanallah, le souci, l'amour des compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils le faisaient prévaloir sur l'amour de leur propre personne, de leur propre famille, de leurs propres biens, de leurs propres enfants. Et regarde également le souci qu'ils avaient, le souci de ne pas le voir au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien répondu à cela, jusqu'à ce que Jibril ne descende alayhi salam avec le verset وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ. Et quiconque obéit à Allah et au messager, alors sera selon ceux-là sont ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits, parmi lesquels les prophètes, les grands véridiques, les martyrs et les pieux, jusqu'à la fin donc du verset. Ce hadith, il a été rapporté par At-Tabarani, comme on l'a vu, et il a été mentionné par l'imam Abu Abd al-Rahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i dans son livre Al-Sahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul, qui mentionne donc ce qui est authentique dans ce qui a été rapporté concernant la cause de la révélation des versets du noble Coran. Rahimahullah. On a vu à présent que le droit chemin, c'est le chemin de ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, parmi lesquels les prophètes, les grands véridiques, les martyrs et les pieux. Le grand savant Mohammed Taqidin al-Hilali, grand savant marocain de notre époque, du siècle dernier, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Sabil al-Rashad, en parlant donc du droit chemin, il a dit, comme nous l'avons vu, que c'est la voie de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits, parmi lesquels les prophètes, les grands véridiques, les martyrs et les pieux. Et il a dit, quant à cette communauté, alors il faut savoir que le droit chemin, il réside dans ce sur quoi était le messager d'Allah concernant la religion. Donc de manière générale, tu sais, et on a vu à quoi correspond le droit chemin, et de manière plus particulière te concernant, toi membre de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sache que cela réside dans ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en matière de religion. Concernant ce verset là, on tire également comme enseignement l'affirmation d'un autre attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en a mentionné certains qui sont présents dans la Fatiha, et d'autres on ne les a pas mentionnés, et on va tous les récapituler, incha'Allah ta'ala. On a cité la seigneurie. Avant cela, on a cité al-uluhiyya, le droit exclusif qu'Allah détient d'être adoré. On a cité également Ar-Rahma, la miséricorde. Naam. On a cité également la royauté. On a cité également l'aide. Le fait qu'Allah dispense son aide. On a cité également Naam. La guider. Naam. Et maintenant, donc, on en arrive au fait de mentionner et d'affirmer l'attribut que nous retrouvons dans ce verset, à savoir le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits, fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs. Également, parmi les enseignements de ce verset, et c'est là un enseignement surprenant, qui montre la grande intelligence du grand shir Muhammad al-Amin al-Shinqiti, étant donné qu'il a dit dans Adwa al-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an, dans son exégèse, son explication de la Fatiha, il a dit deux points importants à soulever. Le premier, nous retenons de ce noble verset la validité de l'imamat de Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agré, étant donné qu'il est inclus dans ce qu'Allah nous a ordonné de lui demander de nous guider vers leur voie, et ce, dans les sept répétés, dans le Coran glorieux, je vise par là la Fatiha. Et cela nous montre donc que leur voie, c'est la voie de la droiture, et ce, dans la parole d'Allah, dans la traduction approximative du sens est « Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. » Et Allah, il a montré que ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, mais parmi eux, il y a des grands véridiques. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré Abu Bakr parmi les grands véridiques siddiqin. Et c'est ainsi que nous voyons clairement et qui nous apparaît clairement qu'il est concerné et qu'il est inclus dans ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et à propos desquels, Allah nous a ordonné de demander d'être guidés vers leur voie. Il ne reste donc, il ne subsiste donc plus aucune ambiguïté quant au fait que Abu Bakr était sur le droit chemin et que son imam n'était que vérité et était en tout point légitime et valide. Il y a donc là une réplique au Rawafid qui renie cela, qui renie la légitimité de l'imam de Abu Bakr, voire qui en viennent parfois à l'insulter, et certains d'entre eux même exagèrent jusqu'à le considérer comme mécréant et qu'Allah leur inflige ce qu'ils méritent. Nous retrouvons également dans ce verset l'importance du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui constitue la deuxième condition parmi les conditions de l'acceptation des œuvres. Et nous avons vu que l'acceptation des œuvres, elle dépend de deux conditions en plus de l'islam. Premièrement, la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a expliqué ce que ça impliquait. Et deuxièmement, la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, nous trouvons dans ce verset, na'am, une réplique à tout innovateur qui serait en contradiction avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والآن نصل إلى الآية السابعة ونختم بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول الله سبحانه وتعالى صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكما أن القارئ يدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه صراطه المستقيم، فإنه يسأله جل جلاله أن يجنبه صراط الذين غضب عليهم وصراط الضالين. غير المغضوب عليهم. هنا لم يذكر الفاعل، وإنما قال غير المغضوب عليهم. لماذا؟ لأن الذي يسلك صراط المغضوب عليهم يستحق غضب الله، ويستحق كذلك غضب عباده الصالحين. فلا يقع فقط في سخط الله، وإنما يستحق كذلك غضب عباد الله الصالحين. لذلك لم يسمى الفاعل هنا غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لكنهم لا يعملون به، وعلى رأسهم اليهود. ولكن لا يراد بهذا الحصر، فإن كل من اتصف بذلك فهو من المغضوب عليهم والعياذ بالله. وأما الضالون فهم الذين يعملون لكنهم يعملون على جهل فضلوا، وعلى رأسهم النصارى. ولا يراد بذلك الحصر، فإن كل من اتصف بهذا فهو من الضالين. لذلك قال سفيان بن عيينة وغيره من السلف رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى والعياذ بالله. وأما المهتدي فهو يحرص ويجتهد في تحصيل العلم النافع، وكذلك يتبع هذا العلم بعمل، فهو دائما بين هذا وهذا، يتعلم ويعمل حتى يكون من المهتدين، وحتى لا يكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين. وفي هذه الآية ونختصر: إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. وإن كان الغضب المذكور هنا ليس مقصورا في غضب الله تبارك وتعالى، لكنه يتضمنه. ففي هذه الآية إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. فقد ذكرنا في هذه الكلمات اليسيرة كثيرا من الأسماء والصفات، كثيرا من الأسماء والصفات. ولعلنا نختم بذكر ثلاث قواعد نفهم بها موقف أهل السنة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. القاعدة الأولى: إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد هاتين القاعدتين في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، فهذا نفي، وهو السميع البصير، فهذا إثبات. والقاعدة الثالثة: عدم محاولة إدراك كيفية الصفة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. وإذا كنت لا تستطيع أن تحيط بالله علما فلا تستطيع أن تعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى. هذه القواعد قواعد مهمة في هذا الباب العظيم. On a donc abordé ici la fin de cette sourate, le dernier verset. Lorsque Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative de sa parole, donc nous avons vu précédemment, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont encouru la colère, ni des égarés. Ça veut dire qu'en plus du fait de demander d'être bien guidé, eh bien tu demandes qu'Allah t'écarte les voies de l'égarement. Et tu ne pourras être bien guidé que si tu as été épargné des voies de l'égarement. Les voies de l'égarement, parmi elles, la voie de ceux qui ont encouru la colère. La colère d'Allah, mais aussi la colère de ses serviteurs pieux. Et ceux qui ont encouru la colère, ce sont ceux qui ont la connaissance, mais qui n'œuvrent pas. Et à leur tête, il y a les Juifs, qui sont connus pour cette chose-là, pour avoir une certaine connaissance, un certain savoir, mais qui le négligent, le délaissent, et ne le mettent pas en application, et n'œuvrent pas. Par contre, la restriction n'est pas voulue ici, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, quiconque viendrait à être caractérisé par cela, alors il serait concerné par la menace du fait d'être parmi ceux qui ont encouru la colère et qu'Allah nous en préserve. Quant aux égarés, ce sont ceux qui œuvrent, mais qui œuvrent par ignorance, qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas de savoir, et à leur tête, les chrétiens, qui sont connus pour cela. Bien qu'en vérité, la restriction n'est pas voulue ici. Et que quiconque viendrait à œuvrer sans savoir préalable, eh bien, serait concerné par la menace qui est mentionnée ici de faire partie des égarés et qu'Allah nous en préserve. C'est d'ailleurs pour cela que Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, ainsi que d'autres parmi les salafs de cette communauté, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde, disaient quiconque commet la turpitude parmi les savants de notre communauté, alors il a en lui une ressemblance aux juifs. Et quiconque commet la turpitude parmi les dévots, c'est-à-dire ceux qui se vouent à l'adoration, parmi nos dévots, alors il a en lui une ressemblance aux chrétiens et qu'Allah nous en préserve. Également, nous avons vu dans ce verset l'affirmation de l'attribut d'Allah qui est la colère. Et nous avons vu donc de nombreux noms et attributs au fil des versets de cette sourate. Et on va terminer en mentionnant justement trois règles très importantes qui viennent régir la foi du musulman aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui montrent la position des gens de la sunna et du groupe uni sur la vérité concernant les noms d'Allah et ses attributs. La première de ces règles, c'est le fait d'affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé le concernant dans son livre ou par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième de ces règles, c'est le fait de nier ce qu'Allah a nié le concernant dans son livre ou par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on retrouve ces deux règles, ces deux principes dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, وهو السميع البصير. Nul ne lui est similaire. C'est là donc une négation. Ça revient donc à la deuxième règle qu'on a vue. Nul ne lui est similaire. Et il est celui qui entend et voit tout. Et c'est là donc l'affirmation qui renvoie à la première règle qu'on a vue. La troisième des règles, qui vient compléter les deux premières, c'est le fait de ne pas chercher à connaître le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas chercher à connaître le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens, on le connaît. On connaît le sens de l'uluhiyya, le droit exclusif que détient Allah d'être adoré. Al-rububiyya, et on a vu ce que ça impliquait. La seigneurie, on a vu ce que ça impliquait. La royauté, la guidée, et ainsi de suite. Le sens, on le connaît. Par contre, le comment, on ne le connaît pas et on ne cherche pas à le connaître. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » Et ils ne peuvent pas le cerner de leur savoir. Donc étant donné que tu ne peux pas cerner Allah de par ta science, de par ton savoir, alors tu n'as pas à chercher le comment de ses attributs. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'une personne est venue voir l'imam Malik rahimahullah ta'ala en lui disant « Oh Abba Abdillah » c'est sa kunya. Allah a dit « Al-Rahman ala al-Arsh istawa » le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. On est d'accord que c'est un attribut parmi les attributs d'Allah, l'istiwa, l'élévation. Mais la personne, elle a rajouté « Comment s'est-il élevé ?» Et là, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a baissé la tête et de la sueur a commencé à couler de son front. Et la colère et les marques de la colère ont commencé à se faire ressentir sur son visage. Et il s'est adressé au questionneur en lui disant « Al-istiwa ma'loum » L'élévation, c'est-à-dire l'attribut de l'élévation, est connu. C'est-à-dire son sens, il est connu. « Wal-kayf majhoul » Le comment, il est inconnu. Il n'a pas dit le comment, il n'existe pas. Non, il a dit « il est inconnu ». Donc il a affirmé le comment. Par contre, il a nié le fait qu'il soit connu de créature. « Wal-imanu bihi wajib » Et le fait d'y croire est obligatoire. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَ Et le fait de poser une question à son sujet, c'est-à-dire au sujet du comment, est une innovation. Et dans certaines versions de cette anecdote, il est dit que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a rajouté وَلَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا فَأَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدْ فَأُخْرِجْ Dans certaines versions, il est dit que l'imam Malik a rajouté « Et je ne vois en toi qu'un innovateur. » Et il a donc ordonné qu'il soit sorti de la mosquée et c'est ainsi qu'il fut sorti de la mosquée. Et c'est à partir de cela que l'imam Al-Qahtani a dit dans sa fameuse « Nouniya » en se basant sur cette position ferme qu'a eu l'imam Malik « Rahimahullah ta'ala »« La talqa mubtadi'an wa la mutazandiqa » إلا بعبسة مالك الغضبان Ne rencontre pas d'innovateur ou d'hérétique si ce n'est en ayant le visage d'un Malik en colère. Rahimahullah. Et il ne faut pas croire ici que c'était quelque chose qui lui était propre à l'imam Malik. Non. Mais il a plutôt suivi dans cela l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été connu pour sa douceur sans égale. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam فَمِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Et c'est par quelque miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. Et si jamais tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis autour de toi. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de l'innovation, il se mettait en colère. Et il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait pas en colère pour sa propre personne. Il ne se mettait pas en colère pour se venger. Par contre, lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient outrepassées, il se mettait en colère pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde donc comment il a été doux et compatissant envers ce compagnon, radiallahu anhu, qui s'était converti tardivement, alors qu'il était âgé. Et il avait du mal à délaisser un acte qu'il avait l'habitude de faire auparavant, radiallahu anhu. Lorsque certains compagnons l'ont vu, radiallahu anhum, ils l'ont critiqué. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu leur fermeté vis-à-vis de lui, il leur a dit: n'aidez pas le diable contre votre frère, car il aime Allah et son messager. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à épauler ce compagnon afin qu'il délaisse cet acte-là. Radiallahu anhu. Ici, cet acte de désobéissance, sa portée était limitée à ce noble compagnon, radiallahu anhu. Compare la manière d'agir du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici avec la manière qu'il avait de réagir lorsque, non pas des innovations sont survenues, mais lorsque les prémices de l'innovation ou de l'exagération dans la pratique sont apparues. Mais que ceux qui avaient commencé à y songer, radiallahu anhum, n'avaient même pas encore mis en pratique. Et c'était bien sûr l'amour de la vérité qui les avait poussés à dire ce qu'ils ont dit. Lorsque certains d'entre eux se sont présentés à la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de demander, de questionner à propos de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Et ils ont dit: c'est là le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à qui les péchés antérieurs et à venir ont été pardonnés. Quant à nous, nous commettons de nombreux péchés. C'est ainsi que l'un d'entre eux a dit: quant à moi, je vais jeûner et je ne vais plus rompre. Le deuxième, il a dit: moi, je vais passer mes nuits en prière et je n'y dormirai plus. Et le troisième, il a dit: quant à moi, je vais m'écarter des femmes et je ne me marierai plus avec elles. Lorsque l'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il s'est adressé non pas aux trois personnes en question, mais il s'est adressé à tous ses compagnons, radiallahu anhum, qui étaient devant lui. Et il s'est mis en colère. Et il a dit: quand donc certaines personnes à dire telle, telle et telle parole, sans les citer? Quant à moi, je jeûne et je mange. Je prie et je dors. Et je me marie avec les femmes. Et quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Regarde cette fermeté. Regarde la manière. Quand tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se mettre en colère face à l'innovation, du fait du danger de l'innovation. Et vous entendez tous fréquemment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses discours: toute chose nouvellement inventée dans la religion est une innovation, toute innovation est un égarement, et dans certaines versions, tout égarement mène en enfer. Vous entendez tous également le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons l'ont entendu faire une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux, ils ont dit: c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Donne-nous donc une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grande compassion, il leur a dit: je vous recommande la crainte révérentielle d'Allah l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire aux dirigeants musulmans, même si celui qui prend le dessus sur vous est un esclave, dans certaines versions, abyssin. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Mordez-y à pleines dents. Cramponnez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Ce qui signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Ça te montre donc la gravité de cette chose. Et s'il a mis en garde contre l'innovation, ça signifie qu'il a également mis en garde contre les innovateurs. Car une innovation, ce n'est pas quelque chose qui marche sur pattes et qui se déplace et qui se déplace d'une personne à une autre. Non, il y a des gens qui diffusent et qui font la promotion de ces innovations, qui les embellissent. Pour cela donc, que la position des gens de la sunna, conformément à la sunna de leur modèle, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la méfiance et la fermeté vis-à-vis des gens de l'innovation. Et c'est un sujet assez long à traiter. Je me contenterai juste de ces brèves allusions en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous assister afin de suivre scrupuleusement la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam, nous écarter des voies de l'égarement, nous écarter de la voie de ceux qui ont encouru la colère, de nous écarter de la voie des égarés, de nous écarter des innovations, de nous écarter de tout ce qui pourrait provoquer le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des frères, nous aimant pour sa cause, unis pour sa cause, sur la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme je lui demande d'assister nos frères en difficulté aux quatre coins du monde, qu'il les assiste, qu'il les aide, qu'il les soutienne, et on s'en tiendra à ça pour aujourd'hui. Wallahu a'la wa a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين